Alors bon, ça recommence. Que je dis au secours, au secours, mais tu vas me faire mourir. Alors bon, ça recommence. Que je dis au secours, mais tu vas me faire mourir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm.